êtes bien à l'écoute de RGM sur le 107 MHz. François vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à feuilleter avec moi le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, que s'est-il passé, par exemple, le 18 novembre ? Eh bien, le 18 novembre 1803, à Haïti, dans un pays où l'esclavage vient d'être rétabli par Napoléon, les troupes du général Rochambeau sont vaincues par les forces haïtiennes de libération. 1891, France. Les ouvriers bûcherons d'Uzès-le-Venon, dans le Cher, forment un comité de grève. 1814, France. Une loi ordonne que les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fête reconnus par la loi. 1903, Panama. Un traité stipule que les USA ont le droit souverain à perpétuité sur une zone de 10 km de large située de part et d'autre du futur canal de Panama. 1918, Lettonie. Indépendance. 1947, France. Dans le Nord, 130 000 mineurs entrent dans la lutte. Les métallos des aciéries les rejoignent. 1973, Grèce. Ce dimanche, les chars continuent à sillonner la capitale. Les soldats ont l'ordre de tirer sur tout attroupement. 1975, Italie. Front commun entre le PC français et le PC italien. PC pour les jeunes, c'est le Parti communiste français et le Parti communiste italien. Scellé à Rome par Enrico Berlinguer, l'humanité qualifie leur déclaration d'historique. L'euro-communisme est-il en train de naître ? Point d'interrogation. Nous sommes en 1975. 1977, Colombie. Manifestation pacifique de 40 000 personnes à Bogota. 1981, Afghanistan. L'Assemblée de l'ONU demande une nouvelle fois le retrait immédiat des troupes étrangères de ce pays. 1981, Bolivie. Après avoir déclaré illégale la grève des mineurs, le gouvernement envoie des troupes dans la région de Huanuni. Les forces armées occupent les mines et arrêtent des travailleurs. Les dirigeants syndicaux s'enferment dans des galeries souterraines où les soldats n'osent pas s'aventurer. Les mineurs de Catavi, de Silio Veinte, de San José se joignent à la grève. 1983, Chili. Reprise de l'offensive des forces démocratiques. Plus de 500 000 personnes manifestent pacifiquement à Santiago. 1983, Nicaragua. Le Congrès américain autorise la CIA à engager 24 millions de dollars dans l'aide au mouvement armé combattant la jeune République sandiniste. 1984, Nouvelle-Calédonie. Les élections à l'Assemblée territoriale sont boycottées par le FLNKS, c'est-à-dire Front de Libération Nationale Kanak Socialiste. La question de l'identité kanak, de l'indépendance et de la coexistence avec les caldoches est posée ouvertement. Il y a des affrontements, discussions, projets. Thank you. novembre. 19 novembre 1792, France. Un décret organise la guerre de propagande pour la Révolution. La République française accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer la liberté. Nous sommes en 2018. 1792, France, donc, le décret organise la guerre de propagande pour la Révolution. La République française accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer la liberté. Eh ben, il y a les politiques de 2018 qui viennent prendre des leçons. 1838, Canada. Les 753 prisonniers patriotes du 8 novembre passent devant la cour martiale. 99 sont condamnés à mort. La révolte des fils de la liberté est étouffée. 1933, Espagne. Élection législative au Cortés. La droite triomphe. 87 socialistes et seulement un communiste sont élus. 1938, France. Meeting au Vélodrome d'hiver à Paris, organisé par le PC et la SFIO. 30 000 personnes scandent le slogan « Abat les décrets de misère, Daladier démission ». France, 1938. France, encore, mais 1947. 1947, les ouvriers de Citroën et Renault débrayent ainsi que les travailleurs d'Arles, de Port-de-Bouc, de la Ciotat et des mines de l'Aveyron. 1953, Japon. Les ouvriers des mines de Mitsui remportent un succès complet dans leur lutte contre les licenciements depuis août. 1973, Grèce. Des milliers de tracts sont diffusés. Une manifestation d'ouvriers est dispersée par la police. Une vingtaine de personnes passent en jugement devant des tribunaux militaires d'exception. 1977, Nicaragua. L'assemblée organisée par l'AMPOTAC, association de Mujeres ante la problematica nationale, et les communautés chrétiennes. Malgré la loi martiale, 1000 personnes se réunissent. On proclame « Où sont nos frères les paysans ?» Les assassins doivent répondre. Où sont nos frères les paysans? Les assassins doivent répondre. 1979, France. Les portes de Matignon s'ouvrent enfin aux travailleurs de l'IP. Les cartes d'une relance sont mises sur la table. Abandon de l'usine de Palante. Séparation des activités artisanales et industrielles. Non aux restaurants ouverts à tous. Contrôle financier sévère. Reclassement de certains travailleurs à l'extérieur. 1980, Pologne, à Częstochowa, le syndicat local Solidarité, Solidarność, obtient la révocation de plusieurs dirigeants, dont le préfet de la région. 1981, Afrique du Sud, dans la banlieue de Johannesburg, quelques 400 mineurs s'opposent pendant plusieurs heures à la police. 1981, Honduras, la victoire aux élections du candidat libéral met fin à 18 années de régime militaire. 1983, Tunisie, Bourguiba, président à vie, institue le multipartisme. Thank you. Le 20 novembre. Le 20 novembre 1831, en France, à Lyon. Ce dimanche, suite au refus des tarifs, les canuts appellent à la grève générale pour le lendemain. Les tarifs ou la mort, disent-ils. Les tarifs ou la mort. 1848, France. Dans un discours électoral, Louis Bonaparte, futur Napoléon III, affirme « Mon concours est acquis d'avance à tout gouvernement qui protège efficacement la famille, la religion et la propriété. » Tiens, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Louis Napoléon. Bon. 1892, USA. Malgré le courage des métallos de Pittsburgh, un mouvement de solidarité très vaste mobilisant les syndicats, certaines églises et les commerçants, la longue grève s'achève. L'hiver est à la porte, les grévistes n'en peuvent plus. L'état de siège est levé, la journée de 12 heures et la semaine de 7 jours sont rétablies. 1909, Togo. Question d'examen dans une école de cette colonie allemande. En géographie, quels sont les États d'Europe et leurs capitales? Quels sont les fleuves allemands les plus importants? En rédaction, quelles sont les choses bonnes que les Européens nous ont apportées? 1915, Mexique. Les chapeliers et les chapelières se constituent en syndicats. 1919, Japon. À l'appel de la Fédération des travailleurs des mines, 10 000 mineurs de cuivre d'Ashio commencent une grève. 1920, Espagne. Martinez Anido fait arrêter 64 syndicalistes et membres de la CNT. Parmi eux, 34 sont déportés. L'activité de ce syndicat est interdite. 1937, Tunisie. Le Néo-Destour organise une grève générale pour protester contre la répression en Algérie et au Maroc. 1959, ONU. Déclaration des droits de l'enfant. 1972, Grèce. Pour la première fois, depuis 1967, les étudiants manifestent leur hostilité aux bourreaux du peuple. Bourreaux du peuple. Les ouvriers les rejoignent et se battent à leur côté. La plupart des hommes politiques et des généraux en retraite soutiennent ce mouvement contre la dictature des colonels, des généraux au rancard, avait dit, en retraite, avait-il dit. De Gaulle. 1975, Espagne. Mort du général Franco. 37 ans de dictature s'achève. 1979, Arabie Saoudite. Un groupe de révoltés investit et occupe la grande mosquée de la Mecque. Ils se battront pendant un mois contre l'armée saoudite. Les survivants seront décapités après un bref procès. Le chef des insurgés dénonce la turpitude des princes. Oh! Les chefs des insurgés dénonçaient la turpitude des princes. Oh, 1980, Chine, à Pékin. Début du procès des deux cliques contre-révolutionnaires de Lin Piao et de Jiang Qing, veuve de Mao. Il est conçu comme un procès criminel et non politique. Les accusés ne le sont pas pour des erreurs de ligne, mais pour incitation à la violence, arrestations illégales et tortures. 1980, Pologne, à Varsovie, se tient la première réunion du comité de défense des prisonniers pour délit d'opinion. Alors, une citation, en plus, d'où, pour le même prix, d'où viennent les idées justes? Tombent-elles du ciel? Non. Sont-elles innées? Non. Elles viennent de la pratique sociale et seulement d'elles. C'est signé Mao Tse-Tung. Thank you. Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine polémique mais aussi positif. Au sommaire cette semaine, les faux médicaments, un phénomène particulièrement inquiétant. De plus en plus de contrefaçons envahiraient désormais les circuits de vente légaux, en pharmacie et même dans les hôpitaux. Pour commencer cette émission, nous allons vous parler des faux médicaments. Ils menacent désormais les systèmes de santé européens, longtemps considérés comme fiables et sécurisés. Dans l'Union, 1% des médicaments distribués dans les hôpitaux ou vendus dans les pharmacies seraient falsifiés, avec des conséquences parfois dramatiques pour la santé des patients. Alors pourquoi l'Europe a-t-elle été victime d'un tel trafic ? Et les autorités luttent-elles efficacement contre ce fléau ? C'est maintenant l'heure de la controverse avec Franck Berthaud. Dites donc, Theresa May, il faut vous soigner. Voilà, une petite pastille et ça repart. Enfin, pas forcément. Faites attention. Vous savez que les faux médicaments prolifèrent en Europe. Jamais les douaniers du continent n'ont intercepté autant de contrefaçons, contenant plus ou moins de principes actifs et des composants surprenants. On trouve de la poussière de brique. Alors vous me direz, la poussière de brique, c'est pas très grave. Eh ben si, oui. C'est grave. C'est à haute dose, insuffisance rénale, vertige, malaise, nausée. On a trouvé de la mort au rat. Mais c'est très grave ça, docteur, non? Les faux médicaments sont-ils en train d'empoisonner l'Europe? Carrément. On est au taquet, se réjouissent les trafiquants. Comme des antibiotiques au milieu de bactéries. Rupture de stock ici, prix trop élevé là-bas, à chaque aléa du marché, on s'arrange pour revendre à certaines pharmacies nos cachets falsifiés. Made in China ou India. Et puis avec Internet, alors là c'est trop facile. Du larcin béni. Il y a même des pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas où la vente en ligne sans ordonnance de tous les médicaments est autorisée. Quel rêve ! Heureusement que les clients n'ont pas tous en tête les chiffres de l'OMS. Sur le web, un médicament sur deux est faux. Mais ça, à vous les trafiquants, c'est pas notre problème. Business is business. Le trafic de Viagra ou d'anticancéreux nous rapporte bien plus que le trafic de drogue. Au moins 10 fois plus que celui d'héroïne, par exemple. Alors que les peines encourues sont bien moins lourdes. Royal ! Non, la vraie galère pour nos combines, ça reste la France. Une exception en Europe, avec sa sécu qui rembourse super bien et des grossistes soumis à des inspections régulières. Bref, une toute petite seringue dans le pied. Face à ces micmacs de Médoc, les États membres s'agacent. Profitez-en, bande de voyous, ça va pas durer. Regardez en Pologne. En 2017, pour combattre les trafics, on a légiféré pour rendre les pharmacies aux pharmaciens. Avant cette loi, n'importe qui pouvait gérer une pharmacie, mais maintenant, c'est fini. Et puis, méfiez-vous, on durcit aussi les sanctions. En Autriche, en Slovaquie et en Slovénie, si vous vous faites prendre pour falsification de médicaments, vous pouvez vous retrouver en prison pour 15 ans, peine maximale en Europe. Sans compter que bientôt, en 2019, grâce à la directive européenne médicaments falsifiés, toutes les boîtes seront traçables à l'aide d'un numéro unique. Et là, vous ferez moins les malins. En espérant que cela soit suffisant pour dissuader les faussaires. Ça serait quand même déprimant que Molière ait vu juste dans son malade imaginaire. Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. En Allemagne, de faux médicaments anticancéreux ont été vendus en pharmacie, et ce à plusieurs reprises. Des révélations qui mettent en lumière les failles du système. C'est une enquête de Céline Bittner. Dans l'un des plus grands hôpitaux de Munich, cet oncologue a décidé de lancer l'alerte. Une dizaine de ses patients auraient reçu de faux médicaments. Ses soupçons se sont portés sur le Sutent, un traitement innovant contre le cancer du rein à 7 200 euros la boîte. Le Sutent est un médicament qui empêche l'afflux sanguin dans les tumeurs. Ici, nous voyons par exemple une métastase qui reçoit un afflux sanguin normal. Et là, sous l'effet de la thérapie, nous voyons que l'afflux sanguin n'a pas eu lieu. Mais le Sutent que prenaient certains patients semblait ne pas agir. Les métastases se développaient. Plus étrange, les effets indésirables, décoloration des cheveux, diarrhée, avaient disparu. Les doutes du médecin ont encore grandi lorsqu'il s'est rendu compte de la provenance des médicaments. Vendus dans des pharmacies allemandes, ils avaient en fait été importés de Roumanie. Je suis sûr qu'un de mes patients est mort à cause d'un médicament contrefait. Même si aujourd'hui, je ne peux pas effectivement le prouver, parce que je n'ai plus les comprimés. Des doutes confirmés par l'agence allemande du médicament. À deux reprises, elle a découvert de faux Sutent dans les pharmacies. Ces derniers mois, les cas de contrefaçon d'anticancéreux se sont multipliés. En cause, les importations parallèles. Une pratique très développée en Allemagne, qui repose sur un réseau de grossistes. Ils achètent à bas prix des médicaments dans toute l'Europe pour les revendre ensuite. Une pratique légale et même imposée par l'État pour limiter les dépenses de santé. Des économies, mais à quel prix ? Comment ce système est-il devenu la porte d'entrée à des médicaments potentiellement mortels ? Région de Saarbrück, dans l'ouest de l'Allemagne. Kohl Pharma est le plus grand importateur du pays. 750 salariés travaillent ici. Des antibiotiques aux anticancéreux, l'entreprise achète principalement des médicaments en Italie, en Espagne, en Grèce et en Europe de l'Est. Ce qu'on voit ici, c'est l'endroit où nous déballons les médicaments que nous recevons de l'étranger et nous vérifions si la marchandise est conforme. En Europe, les prix des médicaments sont très variables d'un pays à l'autre. Chaque État négocie les tarifs avec les laboratoires en fonction du niveau de vie de la population. C'est sur ces écarts de prix que l'entreprise fait ses profits, car l'Allemagne est un des pays où les médicaments sont les plus chers. Aujourd'hui, une soixantaine de grossistes se partagent ce marché d'approvisionnement parallèle de 3 milliards d'euros. Pour une pharmacie, il y a deux moyens de recevoir un médicament. D'un côté, directement du laboratoire. De l'autre côté, par la réimportation ou l'import parallèle, c'est-à-dire nous ou nos concurrents. Nous fournissons les mêmes médicaments sur le marché allemand, mais moins chers que les laboratoires eux-mêmes. Les boîtes importées sont reconditionnées avec des étiquettes et des notices en allemand, puis vendues dans les 20 000 pharmacies du pays. L'activité est florissante, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Des importations directement encouragées par l'État, mais qui ont des effets pervers. Depuis 2002, les caisses d'assurance maladie obligent les officines à vendre 5% de médicaments venus de l'étranger, ce qui permet de réaliser 250 millions d'euros d'économies par an, car des médicaments moins chers sont synonymes de remboursements moins élevés. Mais selon beaucoup de pharmaciens, ce système d'importation a rendu la chaîne d'approvisionnement opaque. Ça, par exemple, c'est le genre de médicament que je classerais comme problématique. C'est une crème pour les yeux qui est stérile. Elle contient un antibiotique qui lui sert de principe actif. Elle a été fabriquée en Allemagne, a été transportée jusqu'en République tchèque pour le marché tchèque, puis a été réimportée en Allemagne. On la vend ici et personne ne sait si elle n'a pas été exposée à la chaleur. On n'a jamais fait de test, on n'a rien noté, donc c'est très compliqué. Des stocks qui passent de main en main, de pays en pays. En rajoutant des intermédiaires, le système est devenu poreux. C'est ainsi que des réseaux criminels ont réussi à introduire de faux médicaments dans le circuit légal. C'est ce qu'a constaté à plusieurs reprises ce laboratoire qui analyse pour les autorités les contrefaçons. Il a travaillé sur le faux Sutent importé en Allemagne. Ici, sur la photo, on peut voir la boîte originale de Pfizer. L'opercule était juste collé sur le dessus, donc il n'était pas bien scellé. Les capsules avaient une autre couleur que l'original et le contenu était de la poudre blanche, alors que normalement, ce principe actif a une couleur jaune. Rien qu'à la couleur, on pouvait dire qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Après analyse, l'anticancéreux avait tout simplement été remplacé par des pilules contre les aigreurs d'estomac. Pour les criminels, contrefaire des médicaments est un bon filon, surtout quand ils coûtent cher. On peut acheter les principes actifs bon marché en Asie et la marge est très très élevée. Elle est parfois plus élevée que les drogues dures. Les criminels sont de plus en plus professionnels. Même pour un œil expert, difficile de reconnaître la copie de l'original. Hans Joachim Mill était en charge de la sécurité d'un grand groupe pharmaceutique. Pour lui, de nombreuses contrefaçons passent à travers les mailles du filet. Les principaux efforts des criminels consistent à camoufler l'origine de leurs marchandises. J'ai connu des cas où les médicaments venaient de Turquie, mais sur les boîtes, c'était écrit en alphabet cyrillique. Et ils ont été déclarés en tant que marchandises grecques. C'est ainsi qu'ils sont arrivés dans l'Union européenne. Tous les réimportateurs n'achètent pas consciemment des contrefaçons, mais ils peuvent en recevoir de commerçants peu scrupuleux. Chez Colpharma, le directeur général reconnaît d'ailleurs que des grossistes véreux ont déjà essayé de lui vendre de la marchandise. Si un criminel veut s'emparer d'un marché, il trouvera toujours un moyen de le faire. On ne peut pas tout surveiller. On ne sait pas si le grossiste a acheté sa marchandise au fabricant ou ailleurs. Mais comme vous avez pu le constater, nous vérifions tout au long du processus si la marchandise correspond aux critères que nous attendons. Mais est-ce que vous vérifiez qu'il y ait bien le principe actif ? Ce n'est pas notre rôle. On ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a un rôle de grossiste et notre activité consiste à revendre des marchandises qui sont déjà autorisées. Et pour être autorisé, c'est le rôle du laboratoire de vérifier le principe actif des médicaments. Il est le seul à en avoir la compétence. Ici, on n'arriverait pas à le faire. On ne sait tout simplement pas le faire. Des contrôles insuffisants, un circuit de distribution peu transparent qui amène certains politiques à s'interroger sur la pérennité du système. La solution pour ce député européen, agir sur les prix afin de tuer la poule aux œufs d'or. Une solution à court terme serait que les pays avec des prix de médicaments très élevés, comme l'Allemagne l'a été et l'est encore en partie, baissent d'un cran leurs prix et négocient avec l'industrie pharmaceutique pour qu'il n'y ait plus besoin de réimportateurs. À long terme, je pense qu'il faut qu'il y ait un marché unique des médicaments, comme pour tous les autres produits, et que les médicaments soient proposés à un prix similaire en Europe. En attendant cet utopique prix du médicament commun à toute l'Europe, les 28 ont décidé de renforcer la traçabilité. À partir de 2019, chaque boîte aura un numéro unique et sera scellé. Objectif, sécuriser la chaîne d'approvisionnement des pharmacies jusqu'à ce qu'un criminel un peu plus astucieux trouve la nouvelle faille. Restez avec nous, Alexis Corbière. Charline Vanhoenacker souhaite s'adresser à vous. Oui, j'ai ramené de la tisane. Parce que la dernière fois, Monsieur Corbière, vous étiez parti un peu fâché contre moi, puis vous m'avez ramené de la tisane en guise de calumet de la paix. On peut dire, voilà, tout est réglé. On va la partager. Non, parce que bon, des Facebook Live, j'en ai déjà vu beaucoup. Des gens qui font de la musique. Parfois, ils font de la cuisine ou des sketchs. Mais alors, le Facebook Live d'une perquisition, j'avais l'impression d'être devant un épisode des Experts Miami, mais avec Derrick au premier plan. Pardon, je sais que sa personne est sacrée, mais si au moins, c'est Mélenchon qui avait dit qui vient de me chercher, mais non, même pas. Ensuite, je me broche sur Le Média, la chaîne Insoumise, où on m'explique que Mélenchon est victime d'un assassinat politique commandité par l'Élysée. Je décide alors de passer sur LCI, où un éditorialiste raconte que l'objectif des Insoumis est clairement d'éclipser l'immense succès du remaniement gouvernemental. Je zappe ensuite sur BFM TV, où entre le remaniement et les perquisitions, il y a tellement de bandeaux qui défilent sur l'écran qu'on voit même plus le présentateur. Alors depuis hier, vous réclamez des perquisitions partout. Et pourquoi pas chez Macron, pourquoi pas au Modem? Non mais oh, calmez-vous! Je vous rappelle que Castaner vient à peine de débarquer au ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, il n'a même pas encore réalisé, tellement ça lui semble invraisemblable, alors laissez-lui le temps d'atterrir. Alors je repasse sur Le Média qui diffuse un documentaire. Il s'agit d'une rétrospective de toutes les perquisitions qui ont été menées par les grandes dictatures à travers l'histoire. Alors je zappe sur LCI où je vois Éric Coquerel et Adrien Quatennens le poing levé en train de crier « Résistance, résistance !» dans la rue. Je me dis « Mon Dieu, ça y est, ils ont été faits prisonniers politiques. » Je comprends que vous soyez choqués, mais enfin quel barnum. Vous imaginez si les Républicains faisaient pareil à chaque fois qu'ils ont droit à une perquisition? Sur Twitter, Valeurs Actuelles dévoile sa prochaine une. Les Insoumis, c'est Caïd de la mafia qui méprise la justice. Le soir, il y a Hanouna qui anime un débat, les perquisitions rasera au Darka. Je me dis à tous les coups, demain, à la une de Libé, c'est Asta Siempre la perquisitionne. Puis j'ai lâché le dossier au moment sur la chaîne parlementaire, j'ai vu Marine Le Pen applaudir Mélenchon à l'Assemblée. Et là, j'ai plus rien compris. Mais là, je le plains, Mélenchon. Déjà hier, il s'est fait tirer du lit par la police. Le lendemain, ça l'oblige à se lever à l'aube pour aller tout raconter à Jean-Jacques Bourdin. Ça, c'est vraiment la double peine. Alors, Alexis, je sais que vous êtes plutôt soupe au lait, mais je vous la prépare, cette tisane. Allez, merci, Charline. C'est vous qui êtes sacré, Charline. Merci, Charline Vanhoenacker. Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine polémique mais aussi positif. Notre seconde polémique portera sur les djihadistes européens. Ont-ils les mêmes droits que nous? Doit-on les abandonner à leur sort en Irak, en Syrie ou les juger ici, sur le sol de l'Union? Nous répondrons à cette question avec notre invité, l'avocat William Bourdon. Il a porté plainte contre l'État français qui refuse de rapatrier ces djihadistes. Place maintenant à notre seconde polémique, les djihadistes européens. On estime qu'ils sont entre 3000 et 6000 à s'être rendus en Irak et en Syrie. Certains sont morts, disparus dans la nature, puis il y a ceux qui sont déjà revenus et il y a ceux qui ont été arrêtés. En Irak, par exemple, ils sont une centaine à attendre d'être jugés et ils risquent la peine de mort. En pleine psychose terroriste, les gouvernements européens hésitent, ils sont divisés entre la stricte application du droit et des mesures d'exception. Alors, les djihadistes de Daesh doivent-ils être jugés là-bas ou faut-il les rapatrier? J'ai rendez-vous ici au Palais de justice de Paris avec l'avocat William Bourdon. Il défend 5 mères de famille partis suivre des djihadistes en Syrie et en Irak. Maître William Bourdon, pourquoi aujourd'hui des gens qui ont commis des crimes en Syrie et en Irak devraient juger ici en Europe ou en France? On est dans une situation inédite, sans précédent, tout à fait exceptionnelle. Je ne dis pas, et nous ne disons pas que la France a une compétence exclusive. Ceux qui commettent des crimes sur le territoire sur lequel ils le commettent peuvent être jugés par les juges de ce territoire. C'est pas impossible. Disons qu'il y a une concurrence de compétences. Et en plus, ce sont des infractions transfrontières. C'est-à-dire que quand ces gens sont poursuivis pour association de malfaiteurs, il y a des faits qui ont été commis en France. Par ailleurs, ils sont français. Et par ailleurs, pour certains d'entre eux, il y a des victimes françaises. Donc il y a une pluralité de sources de compétences. Et la France doit s'assurer, c'est une tradition absolue de notre République, de veiller à ce que les Français soient poursuivis s'ils sont poursuivis dans un pays étranger, dans le respect des principes du procès équitable, sans torture et sans peine de mort. Et que s'il y a un doute sur l'application de ces principes et si la France a compétence pour les juger, eh bien moi je dis que la France devient prioritaire. Voilà, c'est simple. On a entendu Florence Parly, notre ministre de la Défense, dire mais qui se fasse juger là-bas, quoi. Ils ont rien à faire ici, ils ont pris leur risque, ils savent. C'était nos ennemis. Ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que l'irruption dans la scène internationale, depuis les attentats de 2001, de ces nationaux français ou autres, a introduit une nouvelle catégorie que l'administration Bush a évacuée de tout le droit international en inventant cette notion de « unlawful combatant », c'est-à-dire des gens ennemis de la nation, mais qui ne peuvent pas être protégés par le droit de la guerre, qui doivent faire l'objet d'un traitement, évidemment, des plus particuliers, exécution sommaire, prison secrète de la CIA, torture. On n'en est pas là. Bien sûr qu'on n'en est pas là, mais il y a un glissement. Parce que tout ce qui surmilitarise, déjudiciarise, et finalement ça aboutit à quoi? À totalement déshumaniser le traitement de Français qui par ailleurs sont des cibles des juges français. qui ont le devoir, eux, de les convoquer pour qu'ils soient dans le bureau, qu'ils s'expliquent. Là, il y a quand même un phénomène de masse. On a parlé de 3000 à 6000 personnes européens qui sont allées dans cette zone-là. Il reste sur place 700 Français, oui. 450 Allemands, 400 Britanniques. Ils reviennent tous. On fait quoi ? Les pays européens, tout d'un coup, ils ont mesuré le conflit qu'ils doivent gérer entre une opinion publique qui les perçoit comme des ennemis de l'humanité, avec lequel il faudrait faire litière de tous les principes, y compris les faire mourir ou les tuer purement et simplement. Et puis il y a des principes qui sont très difficiles à tenir. Mais regardez, la Finlande, les pays du Nord, l'Allemagne, ont anticipé, depuis 15 ans, mis en place des programmes de déradicalisation importants. On a mis les moyens, des ressources humaines. Et donc ce sont des pays qui sont beaucoup plus prêts à absorber une partie de ces jeunes gens et de ces jeunes femmes que la France. Pourquoi la France est en retard ? Parce que depuis 20-30 ans, il y a une dévalorisation de la parole et de l'action publique sur la question de la réinsertion dans ce pays. Parce que cette parole, elle a été plus ou moins mise en pièces par la surenchère démagogique sécuritaire de nos hommes publics, droite et gauche confondus. Et on le paye aujourd'hui. On va maintenant aller en Belgique où c'est un pays qui a été frappé par de nombreux départs aujourd'hui, des retours. On va aller à Vilvoorde où on croit qu'il faut les accueillir et on parle également de déradicalisation. On se retrouve tout de suite après. Bonjour. Vous savez qu'ici à Vilvoorde, il y a 28 jeunes qui sont partis en Syrie pour combattre. Est-ce que vous pensez qu'il faut les faire revenir ? Non, une fois qu'ils sont partis là-bas, ils peuvent rester là-bas. Peut-être ils ont tué des gens là-bas. Et ils reviennent ici en Belgique. Non, je trouve ça pas juste. Si, hein. Ouais. Moi, j'aimerais mieux qu'ils restent là-bas. Vilvoorde est connue comme la ville de Belgique qui a fourni le plus de djihadistes en Syrie. Mais contrairement à certains de ses administrés, le maire est beaucoup plus ouvert sur la question du retour. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que certains d'entre eux reviennent. Nous ne pouvons pas laisser des enfants là-bas dans d'horribles circonstances. Donc nous devons essayer d'organiser ce retour. Sinon, ils reviendront par des circuits illégaux. Vous ne dites pas qu'ils restent là-bas, comme beaucoup de gens dans votre gouvernement ont dit. Non, je suis convaincu que nous devons les aider. Quand 28 jeunes quittent Vilvoorde, cela implique que presque tout le monde en ville connaît quelqu'un qui est parti. Nous devons ramener ces enfants ici. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Oui. Entre l'obligation morale de ramener les enfants des djihadistes, ces lionceaux du califat comme ils étaient nommés, et le maintien de la sécurité, le dilemme se pose partout en Europe. En Belgique, 18 sont revenus. Il en resterait entre 120 et 150. Alors comment les accueillir ? C'est l'objet d'un rapport réalisé par l'Institut Royal des Relations Internationales. Dans votre rapport, vous mentionnez la question des femmes et des enfants qui sont pas forcément des combattants, mais qui sont des gens qui ont vécu là-dedans, qui ont accepté ça, qui ont été endoctrinés. Est-ce que vous pensez qu'on peut récupérer ces gens pour une société comme la Belgique ? Depuis déjà 2015, en Belgique, la décision a été prise, de manière plus ou moins consciente, de traiter les femmes de manière égale aux hommes. Pour les enfants, c'est différent. D'accord. Les enfants, de manière générale, sont vus davantage comme des victimes. Pour les enfants de moins de 10 ans, ils pourraient revenir et les autorités feraient un maximum de choses pour essayer de faciliter leur réinsertion dans la société. En ce qui concerne les enfants de plus de 10 ans, par contre, traitement au cas par cas. Peut-être que l'enfant a suivi des formations militaires, peut-être que l'enfant a participé au conflit, a participé à un certain nombre d'actes répréhensibles. Le vrai problème, c'est que souvent, ces enfants ne vont pas revenir seuls, ils vont revenir avec leurs parents. Et donc, est-ce que l'enfant est estimé être en danger ? Est-ce que les parents présentent encore des signes de radicalisation, de prosélytisme ? Si c'est le cas, dans certains cas, on a pris la décision donc soit de le placer dans des familles d'accueil, soit de le placer auprès d'autres parents plus éloignés qui auraient accepté de récupérer l'enfant. Je vous remercie. Merci à vous. Merci bien, monsieur. Donc, vous voyez ce maire de Vilvoorde qui dit « Bon, moi, je veux qu'ils viennent ». Si on les laisse à l'extérieur, ils viendront avec des filières clandestines. Il y a deux arguments techniques. Il y a celui-là qui est de dire il vaut mieux les transférer avec l'assistance des services de chacun des pays. Ensuite, il y a une case directe du tarmac de Roissy qui les amène à Fleury-Mérogis, parce que ces femmes que je défends savent très bien qu'elles vont être jugées. Ouais. Elles le souhaitent, elles le demandent. Et puis, une deuxième raison, c'est qu'il faut les débriefer. Il y a un intérêt opérationnel, et les services le souhaitent et le demandent. Alors, avec deux autres avocats, vous avez attaqué l'État pour refus de rapatriement. C'est pas tout à fait ça. Il y a un c'est pas refus de rapatriement. Il y a un article du Code pénal qui dit que si l'État sait qu'un Français est détenu d'une façon qui pourrait être illégale, il a le devoir d'intervenir. Voilà, c'est simple. C'est un article très ancien. Ces Français sont détenus dans des conditions qui sont évidemment illégales. C'est une justice de campagne improvisée, totalement branle-ballante, où il y a huis clos, pas d'avocat, pas d'appel. Certes, il n'y a pas de peine de mort, mais c'est pas parce qu'on aime les Kurdes qui doivent être jugés par les Kurdes. Il n'y a pas de prison. Écoutez, j'ai rencontré le représentant du One Watch Watch qui a rencontré deux de mes clientes dans ce camp administré par les Kurdes, où il y a 400 femmes de 40 nationalités différentes, avec des dizaines de bébés et d'enfants en bas âge, parce que, qui sont prisonniers, et qui posent des problèmes en plus humanitaires absolument gigantesques. Les Kurdes n'en veulent pas. Parmi les seuls qui disent, moi, je pense qu'ils doivent revenir et vous organiser. Je pense que les enfants doivent rentrer. Point un. Parce que ça, c'est un devoir absolu. C'est la loi. C'est le droit international. C'est la loi. C'est la, attendez, et les enfants doivent revenir avec leur mère. On va pas en plus les séparer de leur maman. Et leur maman, elles sont, attendez, il y a des mamans qui sont dans des catégories très différentes. Il y a des mères qui sont certainement des djihadistes endurcis, qui va être très compliqué de transformer en une voisine respectable dans quelques années, adorable, avec lequel qu'on croisera à la boulangerie. Et puis, il y a des mères, je le sais, qui ont été embarquées sous la contrainte, sous la menace, qui ont eu une forme de repentir. Donc évidemment, il n'y a aucune raison de dissocier le sort des enfants, le sort des mères, alors même qu'elles sont parfois sous mandat d'arrêt ou sous mandat de recherche des juges français. D'accord. Voilà mon point. Et le mouvement actuel, il est plutôt au recul. Il y a des pays qui étaient progressistes sur ces questions-là qui, maintenant, reculent. On va aller au Danemark et on va aller en Grande-Bretagne. Qu'il semble loin le temps où la capitale britannique était surnommée le Londonistan. Un méchant surnom attribué à Londres en raison de sa politique d'accueil des djihadistes et des prédicateurs extrémistes dans les années 90-2000. Mais les attentats de Londres en 2005 ont bouleversé la donne. Les gouvernements de Tony Blair et de David Cameron ont banalisé les expulsions et les déchéances de nationalité, même pour les Britanniques de naissance. L'équipe de Theresa May s'est mise au diapason. Pour éviter le retour de djihadistes, 150 personnes ont vu leur citoyenneté déchue, doublée d'une interdiction de pénétrer sur le territoire, sans compter un discours martial. Le ministre du Développement international assure que la seule option est de tuer les djihadistes. Et le ministre de la Défense affirme qu'un djihadiste mort ne pourra pas faire de mal à l'Angleterre. Le monde entier s'est précipité à Aarhus en 2014 pour examiner la méthode danoise de déradicalisation, un protocole centré sur l'écoute et la réintégration. Mais depuis 2015, la législation a été durcie. À l'époque, un attentat a coûté la vie à deux personnes à Copenhague et 145 ressortissants au moins ont rejoint l'Irak ou la Syrie. Ils sont désormais passibles de 16 ans de prison pour trahison. Quant aux revenants, les services secrets danois les considèrent comme l'une des plus grandes menaces contre la sécurité du pays. Le gouvernement entend multiplier les déchéances de nationalité à leur encontre. Une procédure a déjà abouti en novembre 2017. La Cour suprême a retiré sa nationalité à un turco-danois né au Danemark en 92, ayant rejoint Daesh. Une première historique. Quand on regarde le résultat de ces 15 ans, 18 ans de terrorisme, les terroristes, ils ont changé le monde. On est contrôlé constamment. Notre vie a complètement changé. On a peur aujourd'hui. Et même si on a des valeurs morales, et je pense que la plupart des Européens défendent ces valeurs morales, elles sont aujourd'hui attaquées comme si les terroristes, en fait, avaient gagné. Alors moi, je ne pense pas du tout que les terroristes ont gagné. Quand vous relisez, il ne faut pas les relire, bien sûr, mais il y a eu des théoriciens, des concepteurs de cet hyper-terrorisme et qui ont dit, on va mettre les démocraties à genoux, on va les obliger à se saborder, et en se sabordant, elles vont générer un climat de guerre civile généralisé. Elles vont universaliser une forme d'état d'urgence et d'état d'exception qui fait que, dans le long terme, on va ramasser la mise de cette espèce de chaos mondialisé qu'on va organiser. C'est exactement ça qu'ils recherchent. Mais pour l'instant, je trouve que les démocraties résistent bien, résistent solidement, même si je fais partie de ceux qui considèrent que, par exemple, la fuite en avant dans l'état d'urgence en France s'est faite de façon désordonnée, peu responsable, et qu'on risque un jour de le payer cher, mais c'est un autre sujet. William Bourdon, merci. Merci pour ça. Merci. Merci Jean-Paul Lepers. Merci à vous. Au revoir. Non, les terroristes n'ont pas gagné. L'état de droit n'a pas perdu. Vox Pop s'est terminé à la télévision et ça continue bien sûr sur Internet. Je vous embrasse, chères Européennes et chers Européens. Et aujourd'hui, j'embrasse particulièrement ces défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie. À bientôt. Tchuss. Oh là là là là là là. Non, je suis allé trop loin, là. Mais je vois votre attitude, hein. En fait, face à la laideur, c'est une forme de racisme. Vous êtes raciste, c'est tout. Je vous rassure, hein, les races n'existent pas. C'est qu'un noir, c'est simplement un blanc adapté à son environnement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et un blanc, c'est un noir qui voit pas assez le soleil. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et un arabe, c'est souvent un mec qui était obligé de faire l'aller-retour. Et un raciste, c'est un gros con, il n'y a pas à réfléchir. Non, et je dis pas ça parce que personnellement, je suis breton, polonais, basque, marocain, j'habite en Guadeloupe, je suis marié avec une japonaise pour avoir des enfants à rayures. C'est plus pratique dans les supermarchés, ça fait code barre, tu passes avec le gamin comme ça, bip. Mais c'est vrai. Bon, ça suffit pas de critiquer les racistes. D'accord, j'ai inventé contre le racisme aussi, j'ai inventé une carte d'identité internationale avec un système de grattage. Tu découvres ta nationalité à 16 ans. C'est vachement bien, tu te prépares à être citoyen du monde. C'est sympa, c'est une carte d'identité internationale. C'est la carte qui est internationale, hein, c'est pas l'identité. Si en France, ils ont fait l'identité nationale à partir de la carte nationale d'identité. Il n'y a pas d'identité nationale, c'est une communauté nationale. Ça va, vous suivez? Bon, je vous explique quand même. Hein. Voilà. Là, il y a un malaise. L'identité nationale, c'est un peu un oxymore. Ça vous intéresse, les mots savants? Oxymore, c'est une opposition dans la même phrase, comme une obscure clarté, une guerre sainte, l'égalité des chances... Si c'est la chance, ça peut pas être égal. La force tranquille, très rare. C'est des mots politiques, tout ça, en fait. Hein? Avec la politique, vous savez très bien ce que c'est. C'est avoir l'argent des riches et les voix des pauvres en leur promettant à chacun de les protéger des autres. Je vous laisse réfléchir un petit peu plus là-dessus. Je peux le dire, je serai coupé au montage. Voilà. On m'appelle la mule. Voilà. C'est un oxymore. Là, je prends un bide, là. Je suis habitué. Le premier bide, j'ai pris dans le ventre de ma mère. J'ai tiré sur le cordon, ça s'est ouvert, j'étais à poil, je connaissais pas un mot. Le tout, c'est de s'assumer. Hein. Dès que tu dis un mot savant à la télé, tu dis « Ah, oh, tu prends un bide !» Hop, dégage, pas de mot de savant. Il y a plein d'autres oxymores. Par exemple, je sais pas, moi, une TVA sociale. Je vous laisse réfléchir plus longtemps là-dessus. Bon, on va revenir à ma carte d'identité, c'est beaucoup mieux. Une carte d'identité internationale avec un système de grattage. Tu découvres ta nationalité à 16 ans. Ça t'oblige à être ouvert, à être aware, comme disait un philosophe belge. Vous connaissez pas? Vandamme, le cake, il est sympa, hein? J'avais tourné un western avec lui à Bruxelles. Ça s'appelait « Été dans l'Ouest » une fois. Vous l'avez pas vu? Donc ma carte d'identité, elle est pratique. Hein. Ça t'évite de n'être qu'un imbécile heureux qui n'a fait que de naître quelque part. Genre, je suis fier d'être français. T'es fier de quoi? D'être né? Tu peux être fier d'avoir fait quelque chose pour la France. C'est un peu éducatif, là, hein. Ah, on sent, là je m'engage un peu trop, on dirait du Zola, j'accuse. En Italie, ça fait jacuzzi. Tu accuses, mais avec des mules. Au Japon, c'est yakuza. Tu accuses, mais tu coupes les doigts. Et à Paris, Jacques aussi. Mais là, on l'accuse pas, on l'examine. Ça va ? Il y en a qui suivent ? Donc, ma carte d'identité internationale, je reviens dessus, elle est quand même pratique. Je sais pas, t'es né au Darfour, ça peut arriver à tout le monde. Non, pas à vous, mais ça peut arriver à tout le monde. T'es né au Darfour. T'as 16 ans, tu grattes, t'es suisse. Eh ben, t'es content. T'es suédois, il fait nuit. Toute la journée, t'en as marre. T'as 16 ans, tu grattes, t'es kurde. Merde. Kurde irakien. Remerde. Alors, tu vas à côté, au Koweït. Que c'est le Koweït? C'est le pays apéritif avant d'attaquer l'Irak. C'est vrai. Alors, tu regrattes pour aller plus loin. Je sais pas, tu vas plus loin en ratatouille. Non, c'est pas la ratatouille, c'est quoi? C'est la Macédoine, pardon. Oh là là. Ça, c'est à cause de la télé, ils mélangent tout. Alors tu t'engages, mais toi, t'es mélangé, quoi. Tu vois les trucs horribles à la télé, tu dis « Oh, c'est horrible, c'est horrible. Il faut faire quelque chose !» et hop, tu changes de chaîne. Et t'es persuadé d'avoir fait quelque chose. Il n'y a plus qu'une phrase dans les familles en France, c'est « Chérie, passe-moi la télécommande. Qui c'est qui a pris la télécommande ? Je me suis pas assis sur la télécommande. » À croire que la télécommande. Enfin, il y a mieux. J'ai un neveu, plus tard, il veut être pilote de PlayStation. Il croit que c'est un métier. Vas-y, tu fais ça, vas-y, fais comme ça, fais comme ça. Oui, recommence, essaye encore. Recommence, essaye encore. Pendant des heures, ça va, des mois, ça passe, mais des années, le gamin dans la rue, il est en train de baver. Qu'est-ce qu'il a, votre gamin ? Parkinson ? Non, PlayStation. Dans les jeux vidéo, c'est bien, mais quand t'es blessé, à l'hôpital, à l'âge de la retraite, l'âge de l'arthrite, les petits vieux, ils vont jouer. Ouais, je vais te faire un inédit de Zidane. Ouais. Quand il y aura des jeux vidéo dans toutes les maisons de retraite, les gamins diront, ouais, c'est un truc de vieux. Ils se remettront à jouer au Scrabble, les enfants. Ouais, Ziva, en quatre lettres. Parce que pour l'instant, c'est au bureau, avec un seul doigt, je vais t'avoir. Le doigt, il grossit, ça devient un énorme sexe. Le mec, ouais, je vais t'avoir. Mais le mec, il pense plus qu'à ça. Chez lui, il fait, ouais, ouais. Là, sa femme l'engueule, il fait, non, non, je travaille, je suis sur Google. Google, c'est bien, t'as un vieux morceau d'artichaut, une vieille tomate. Tu fais Google, comment faire une grosse pizza et tout ça. Et ça marche, c'est bien. Faut pas abuser, parce que sinon, ta femme te fait, ouais, fermez Google. Bon, en tout cas, avec un seul doigt, moi, je préfère m'amuser directement avec ma femme. Pareil, recommence, essaye encore. Enfin, je veux pas créer de problème dans les couples. Hein. Même si le couple, c'est essayer de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Moi, je dis ça pour rassurer les célibataires. Le couple, c'est sympa. Hein. L'hiver, on se tient chaud. L'été, on s'engueule. Ça t'oblige à la tolérance. Je vais même le dire d'une façon plus poétique. La passion est un cri. L'amour est une œuvre. Vous aimez la poésie ? Mais fallait le dire tout de suite, j'aurais pas plongé dans une bassine avec des tampons dans la gueule. C'est incroyable, ça. Non, j'aurais dû commencer par là, c'est incroyable. J'en ai des phrases poétiques, je sais pas. La mort, c'est le meilleur moment de la vie, c'est pour ça qu'il est préférable de le garder pour la fin. C'est de moi, je sais pas le placer. J'en ai d'autres, hein. Le temps, c'est comme un vêtement d'enfant, plus on grandit et plus il raccourcit. On est plein, même avec du vocabulaire, du genre « si toutes les femmes avaient des phallus, nous serions tous des sodomites ». Là, il y a du vocabulaire, c'est sérieux, hein. Tout le monde a compris ou vous voulez que je traduise pour les gens qui ont un peu moins de culture? Pas forcément un public populaire, hein. Tu peux être caissière dans un supermarché et avoir un bac plus 4 hein, et un SMIC moins 3. Alors, tu peux être très très riche et complètement inculte, hein. Pour certains, MEDEF, ça veut dire « même en dormant, enrichis ta famille ». Mais je traduise quand même pour les gens incultes. On dirait, si toutes les femmes avaient des bites, on serait tous des enculés. Voilà. Il y a des gens qui sont choqués. Vous savez pourquoi ? C'est pas parce que c'est un gros mot, c'est parce que c'est une insulte que ça vous choque, le mot enculé. Alors ça devrait pas, un type qui se fait enculer, il a rien fait. T'arrives dans le sud de la France, ouais, enculé ! Ah, je te remercie de m'avoir prévenu, j'avais pas vu. Non, les gens dangereux, c'est les enculeurs de force, faut le savoir, c'est pas les victimes. C'est comme quand tu dis pauvre type. Pauvre type, c'est une insulte, tout ça, à Monaco ou en Suisse. Pauvre type, le mec, il est pauvre, il peut rien. Enfin, tout ça, c'est un problème de sémantique. D'ailleurs, quand on sémantique, on s'encule. Je vois qu'il y a des lettrés dans la salle, ça fait plaisir. Voilà. Bon, je vais arrêter avec la poésie. J'ai parlé de mes vacances, je vais aller faire de la voile avec une copine, Déborah. On a tiré Déborah à droite, tiré Déborah à gauche. Non, je sens que je vais aller trop loin, là. Il y en a qui vont être outrés. Du verbe « je m'outre, tu t'outres, on s'outre ». Je le répète pour ceux qui ont Alzheimer, en plus. Non, pour aller dans les quartiers chics, c'est pareil. À Paris, tu fais « en outre » et l'outre passe. L'outre passe ses droits, ça s'appelle des privilèges. Les quartiers chics, vous savez, la banlieue de Paris, là. Il y a des grands ensembles et des petits tout seuls. Non, il y a des quartiers sensibles et des quartiers moins sensibles. Vous saviez pas ça ? Neuilly, 2,5% de logements sociaux. Il y a un malaise, là. Il y en a qui partent. On va les attendre, ils vont aux toilettes. Non, Sarkozy, il est sympa. C'est vrai, il est sûrement sincère. On le sent bien qu'il est sincère. Mais c'est pas parce qu'on est sincère qu'on dit la vérité. Je vous laisse réfléchir plus longtemps là-dessus. Qui est plus sincère qu'un kamikaze ? Deux kamikazes. Il est sincère, mais quand même, hein. Ses voisins l'appelaient déjà Sarkoléon Bonaparte, parce que lui, il a un Bonaparte. Et puis, il veut tout faire. Il l'a dit, hein. Quand c'est pas moi qui m'en occupe, ça se passe jamais très bien. Texto, il l'a dit. Alors, je l'ai appelé pour réparer ma machine à laver, mais bon. Non, c'est vrai que s'il veut tout faire, il peut devenir empereur. Et nous, on deviendrait manchot. Bah ouais, quand quelqu'un fait tout, après tu dis, bon, bah, je le laisse faire. Je fais ça à la maison avec ma femme. Là, il y a encore un malaise. Non, puis Napoléon, il a quand même rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Ils étaient Guadeloupéens, ils sont passés Guadeloupé 2. Rigole, dans un entier. Non, je suis un intégriste de la tolérance, ça va, il y a eu des abus de l'autre côté. Hein. C'est vrai que Mitterrand a été enterré à Jarnac parce qu'il n'y avait plus de place à Jean-Cule. Double malaise, bon d'accord. Thank you.

Je suis un militant. Un militant de la cause culturelle et de la cause humaine. Vous voyez ? Et depuis longtemps, puisque je vais quitter le Sénat en septembre prochain, et ça fera 50 ans que j'ai été élu pour la première fois comme maire adjoint à la culture et à l'éducation nationale à Aubervilliers. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment vivre si on n'a pas une attache avec une ou l'autre dimension de la culture. Et on le voit bien, d'ailleurs. On le voit bien. Le noir de Stendhal, pour moi, c'est un roman total. Il a joué, y compris dans ma vie privée, un rôle énorme. Des fois, ça fait sourire ce que je dis, mais oui, je suis amoureux de Mme de Rênal. Là, j'ai donné des pages où Julien Sorel prend sa main, comment elle la retire, puis comment elle la relaisse prendre. Et le lendemain, c'est elle qui prend. Et là, il y a un jeu de main qui n'est pas un jeu de vilain, qui est un jeu de caresse qui est extraordinaire, extraordinaire. C'est... Je ne connais rien de plus beau que cette façon d'être. Un mot-clé, c'est la dignité. Je prends un exemple, comme j'ai parlé un peu du travail et des pauvres, il y a des gens qui considèrent, le pauvre dans l'homme. Moi, je considère toujours l'homme dans le pauvre. Parce que si vous considérez le pauvre dans l'homme, vous essayez de corriger sa pauvreté, enfin d'y partager, mais vous laissez l'homme échapper. Or, ce qui est essentiel, c'est l'homme. Je disais toujours à un journaliste qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Yves Morouzi, ce qu'il me disait toujours quand il m'interviewait, mais vous avez l'air équilibré. D'ailleurs, je ne comprenais pas toujours, mais vous avez l'air équilibré. Mais j'ai bien vu ce qu'il voulait dire. Alors je lui ai dit, mais Yves Morouzi, il y a un vrai problème chez moi, tout simple. J'ai deux mains, comme vous. Il y en a une qui est chez les artistes et l'autre qui est chez les ouvriers. Et si une ou l'autre se distant de ceux à qui elle a été tendue, vers qui elle a été tendue, eh bien, je boite, et j'aime pas boiter. Voilà, mais j'ai besoin de ces deux familles-là. Vraiment, j'ai besoin. J'ai besoin. Ben, elle pourrait l'être, mais malheureusement... Elles sont, je parle des gouvernements, sensibles aux grandes affaires. Et comme vous le savez, j'ai, avec tant d'autres, créé et animé les États généraux de la culture, et je me souviens, dans la Déclaration des droits, que nous avions voté dans un zénith à 7000 personnes, quand même, et 3000 étant restés dehors, en novembre 87, dans cette Déclaration des droits, une des phrases capitales, à mon sens, c'était « Quand un peuple abandonne son imaginaire aux grandes affaires, il se condamne à des libertés précaires ». Et on le voit aujourd'hui avec les accords bilatéraux qui remettent en cause, y compris la diversité culturelle. Puisque pour le cinéma, maintenant, on voit que c'est la division commerce, c'est-à-dire la division grandes affaires, qui ose imposer son point de vue aux affaires culturelles, puisque toujours le culturel est second par rapport aux commerçants. Il y a donc en France... Il y a une politique qui mérite d'être combattue et combattue avec beaucoup de fermeté. Autrement, on verra aboutir, c'est largement commencé d'ailleurs, que l'esprit des grandes affaires l'emporte sur les affaires de l'esprit. Et ça, ce serait un drame, ce serait une absence de fidélité à une tradition qui est phosphorescente, mais qui a bien besoin de tous ses amis pour perdurer. Connu Lucien Bonafé, à qui je pense souvent en ces circonstances, il répétait inlassablement qu'une politique se juge au sort qu'elle réserve à la maladie mentale. On savait, mais maintenant il n'y a plus de doute. Oui, et dramatiquement, pour quiconque a un déchirement de conduite, dont le discours hoquette et s'égare, dont la conscience rencontre de grands gouffres, le texte honteusement voté est dénégateur de décence et d'humanité. On veut, en haut lieu, substituer à votre liberté de recherche, d'expérience dialogique avec le patient, une norme inspirée d'un mensonge boursouflé, le risque zéro. Comment ne pas voir, ne pas entendre les malaises qui se répandent chez ceux qui s'entêtent à travailler correctement et récusent la contrainte du ni fait ni à faire. Les souffrances qui entament ceux à qui une partie ou plus de leurs activités est empêchée. Enfin, votre colère de ne pas retrouver votre métier dans ce que vous faites. L'organisation qu'on vous impose est trop petite pour l'objet infiniment humain de votre travail, qui a besoin de crédit, de temps, de liberté, de respect, de négociation, de transparence. Le clan sarkozien vient de se fabriquer une grande tondeuse d'humanité et de liberté. C'est la norme reine. C'est l'individualité méprisée et submergée par des comptes, statistiques, chiffres, calculs et performances qui marchandisent le travail, qui marchandisent la vie. J'ai travaillé à l'Humanité Dimanche. Pendant 12 ans, j'ai fait la rubrique de télévision. Puis après 7 ans, le cahier culture. Donc l'humanité, la culture et moi, c'est une mêlée tout à fait sympathique et qui m'est restée. Ensuite, je l'ai vendu comme CDH de l'âge de 20 ans à l'âge de 35 ans, tous les dimanches. Et c'est un des beaux souvenirs de ma vie parce que c'était un lien avec les experts quotidiens, comme j'appelle les gens qui n'ont pas de responsabilité sur une carte de visite, mais qui ont la responsabilité d'être homme et d'être femme. Et puis enfin, c'est que ce journal, fondé par Jaurès, qui a joué un tel rôle depuis 100 ans, eh bien aujourd'hui il continue à jouer ce rôle. Malheureusement, son lectorat n'est pas d'une importance très grande, mais quand même, il y a un certain nombre d'idées qui ne sont défendues que par ce journal. Et de le sentir atteint et en difficulté, ça fait mal, parce que le pluralisme français a dedans, même si le communisme n'a que 3,38% du suffrage, la mémoire communiste est très grande. Et bien, ça compte. Et cette chose, si on y porte atteinte, on éteint une lumière. Et on a besoin de toutes les lumières, même des petites ampoules. J'étais, je vois Robert Badinter et Pierre Mauroy étaient là tout à l'heure, au gouvernement en 82. Mais je lis dans les journaux tous les jours combien le gouvernement actuel se dispute, invente des choses, recourt à ceci, recourt à cela. Mais si vous saviez la joie, tu peux en témoigner Robert, hein, la joie qu'on avait dans ce gouvernement, quand on l'a voté, quand on l'a proposé le vote des 60 ans. Aussi bien à l'Assemblée nationale qu'ici. On est quelques-uns, on était sur le banc des ministres. Il y avait une opposition, mais elle n'osait pas frontalement nous attaquer parce qu'on parlait de la vie des hommes et des femmes qui font la richesse de ce pays. Et c'est cela ce soir qu'on brade, c'est ça ce soir qu'on détruit. Non mais c'est vrai, mais même pour l'argent. Ils disent qu'ils n'ont pas le sou. Mais à la Libération, quand la retraite a été et la sécurité sociale a été instituée dans la forme et qu'elle a et qui est menacée, il y avait le sou. Il y avait une France beaucoup détruite, des misères incommensurables. Et malgré ça, quand il y a volonté politique, on trouve les sous. Ils sont quelque part, n'est-ce pas ? Ils sont quelque part. Et Badinter opinait du bonnet à chaque fois, parce que c'est vrai. voyez, c'est vrai. J'ai aussi traité d'une autre question, ce n'est pas... J'ai fait 2-3 interventions. C'est sur la notion du travail. Dans ce pays, on ne sait plus parler du travail, voyez. On ne sait plus. Alors on compte, heureusement, mais c'est malheureux d'être obligé de compter des suicides. Mais s'il y a des suicides, c'est pas que les ouvriers ou les cadres, parce que ça fait sur, ça va sur la totalité de la, de l'éventail professionnel, sont malades. C'est le travail qui est malade. Parce qu'il est soumis à des managers, hein, à la recherche de l'excellence, comme on dit. C'est bien l'excellence, mais par quelle route on y va? La performance surtout qu'ils recherchent. Et là, vous voyez les gens blessés profondément. Et je pense à un philosophe, là, Legendre, il dit qu'un homme imagine comme il respire, vous voyez. Eh bien, actuellement, on respire mal au travail. Et la crainte que j'ai, moi, c'est que les gens croient que respirant mal au travail, ils vont mieux respirer dans le temps libre. Ben non, ça se transmet. C'est-à-dire que c'est la vie qui est mise en cause. Dans la rue devenue nouvel espace public, la grève parle comme une insurrection mentale d'humanité. La grève parle et récuse les solutions régressives, libérales et étatistes. La grève parle, elle est le peuple dans sa dignité, sa diversité, sa responsabilité. La grève parle, pose des questions humaines plus profondes encore que les revendications déclarées et réclame tout simplement la vie. Ben, c'était en pleine grande tourmente, là. Et quand je vois ce que je disais, il y a une ouvrière qui l'a vraiment condensé quand elle a dit, au gré d'une interview d'un journaliste, que tant que l'argent dominera le monde, hein, nous en manquerons. Et je crois que c'est ça la grande question. Elle existait ce jour-là, elle continue d'exister et dans une ampleur bien plus grande actuellement. Mais malheureusement, j'espère provisoirement, c'est l'argent qui dirige. L'argent caché et l'argent visible, et ils n'ont aucune commisération. Aucune. Ben, l'enjeu, c'était de que M. Juppé veuille bien rentrer son projet destructeur, quoi. Et on a gagné. Enfin, quand je dis on, parce que je me mets dans ceux qui se battaient, mais ils ont gagné. Ce qui fait que c'est toujours possible. C'est complexe, mais c'est toujours possible. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Cette réconciliation entre la base et le sommet, je considère que je n'ai pas réussi à l'affaire. Cette phrase, vous l'avez entendue, et c'est Emmanuel Macron qui l'a prononcée mercredi lors d'une interview qu'il a accordée à TF1. Il faut croire que la manifestation du 17 novembre dédiée Gilets jaunes a forcé le président Emmanuel Macron à faire son cas de conscience. Oui, moi, vous, bref, ceux qui ne sont rien ont du mal avec lui et l'action de son gouvernement. C'est ce que Serge Faubert décrypte dans son petit coup de Bourbon cette semaine. Regardez. Et si les Gilets jaunes étaient en train de réussir ce que ni les syndicats ni les partis de gauche ne sont parvenus à faire jusqu'à présent, coaguler les colères du peuple. L'isolement du pouvoir ces jours-ci est impressionnant. À part la discrète République En Marche, plus personne ne soutient le gouvernement et le président. Celui-ci l'a d'ailleurs reconnu sur TF1. Il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça, c'est vrai. Et ça me touche, moi. Mais si ça me touchait que ma personne, à la rigueur, ce ne serait pas grave. Mais c'est plus profond. Pourtant, côté communication, le chef de l'État et le Premier ministre ont mouillé la chemise. Mercredi, nous avons eu droit à un Premier ministre patelin à la radio, le matin. Et à un président plus jupitérien que jamais le soir à la télé, puisqu'il s'adressait aux Français depuis le Charles de Gaulle. Peut-être aussi pour suggérer qu'il n'était pas en train de couler. Entre les deux prestations, une salve d'annonces dont le contenu avait largement été défloré dans la presse les jours précédents. Élargissement du chèque énergie, super prime à la conversion, en tout 500 millions destinés à faire passer la pilule des hausses sur les carburants. La réponse n'a pas convaincu, écoutez les réactions. J'ai envie de prendre les choses positivement et dire à tous ceux qui se mobilisent, vous avez raison de vous mobiliser parce que regardez cette protestation qui monte, ça oblige le gouvernement à faire des annonces, à lâcher des petits trucs. Rien de ce qui a été dit n'est susceptible, selon moi, hein, je peux me tromper, de démobiliser les gens, mais je les invite à rester mobilisés. Il est juste aujourd'hui de dire qu'il y a trop d'inégalités, qu'il y a une dégradation du pouvoir d'achat, qu'il y a une fiscalité injuste. Je trouve que les efforts qui sont faits sont bien modestes par rapport au montant des taxes qui vont être prélevées pour bien autre chose que pour la question environnementale. C'est pour ça que je le redis, il y a deux victimes, le pouvoir d'achat des Français et la transition écologique. C'est vraiment Marie-Antoinette, vous n'avez pas de pain, mangez des brioches. Vous pouvez plus remplir votre plein avec du diesel, mais acheter une voiture hybride ou électrique à 30 000 euros. Non mais, ces gens vivent complètement hors du temps. Voilà, hors de la réalité. Mais comment les Français n'auraient-ils pas l'impression qu'on est en train de les embobiner? Édouard Philippe a été contraint de le reconnaître au micro de RTL. Les taxes sur les carburants ne servent pas qu'à financer la transition énergétique. Les sommes qui sont prélevées dans le cadre de cette fiscalité, elles servent à quoi? Elles servent à accompagner la transition et aussi à participer à l'effort que j'ai évoqué de diminution de la fiscalité qui pèse sur le travail. Faisons deux minutes d'arithmétique, juste deux minutes. En 2019, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, c'est le nom de la taxe sur les carburants, rapportera 37,7 milliards d'euros. Sur ces 37,7 milliards, 8 milliards 400 millions iront à la transition écologique. Vous entendez bien, moins d'un quart de la fiscalité énergétique sera affectée à l'environnement. Le reste? Eh bien, 17 milliards iront dans le budget général de l'État et 12,3 milliards dans les caisses des régions afin que celles-ci s'acquittent des missions qui leur sont dévolues. C'est d'ailleurs là qu'on touche à l'absurde. Certaines régions, dont je le rappelle, les ressources proviennent pour une grande part de la TICPE, vont donner des chèques carburant à leurs administrés les plus fragiles. Chèques qui seront d'ailleurs défiscalisés, a annoncé hier Édouard Philippe. Avec ces chèques, c'est le cas dans les Hauts-de-France par exemple, les Français concernés pourront remplir leurs réservoirs et donc payer à nouveau la taxe sur les carburants. Autrement dit, la taxe va servir à payer la taxe. On en conviendra, il eût été plus simple d'abandonner les hausses des prélèvements sur les carburants. Alors, comme d'habitude, en pareilles circonstances, le gouvernement manie la carotte et le bâton. D'un côté, il y a les aides, de l'autre, les menaces. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, reconnaît ainsi aux Gilets jaunes le droit de manifester, mais... Mais de ne pas entraver la libre circulation. Sinon, est essentiel. Sinon, il y aura quoi? Il y aura des PV dressés, il y aura quoi? Il y aura d'abord des discussions, et ensuite, il y aura... plus fermement, si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Une intervention que les députés jugent maladroite. Si le gouvernement veut absolument mettre de l'huile sur le feu en disant à l'avance qu'il fera déloger par les forces de l'ordre, je crains qu'on aille vers le pire. Et j'invite le gouvernement, avant de faire de grandes menaces, à un peu de sagesse, un peu de prudence et à ne pas envenimer les choses. Les gens, aujourd'hui, ne reculeront pas parce qu'il y aura ces menaces. Au contraire, ça ne pourrait avoir qu'un effet d'amplification. D'autant que personne ne sait très bien comment se gère une pareille mobilisation. J'espère que celles et ceux qui manifesteront le feront dans des conditions qui sont des conditions pacifiques. Mais c'est un mouvement qui est né en dehors de toute organisation. Ni les syndicats, ni les partis politiques, ni celles et ceux qui sont habitués à gérer ce type de mouvement ne sont présents. Et donc, c'est difficile de faire des pronostics. Quant au débat sur la présence de l'extrême droite sur les barrages, la question est réglée. Selon les lieux où ça se passe, selon les gens iront ou iront pas. Moi, c'est clair que si naturellement il y a par exemple quelque chose qui se fait sur ma circonscription, j'irai soutenir les gens de ma circonscription. Maintenant, moi, par exemple, je prends les transports en commun, qui d'ailleurs, on devrait s'interroger parce qu'on nous parle de prix du gazole. C'est insupportable aujourd'hui en Île-de-France. Je sais pas si vous êtes au courant de prendre des transports en commun le matin. Là aussi, j'attends un grand mouvement de révolte parce que c'est plus vivable. Bon, il est évident que je dirais que spontanément, je vais aller me mobiliser là où c'est possible. Moi, je prends pas ma voiture, j'ai cette chance la plupart du temps. Mais si je la prenais tous les jours et que je souffrais comme eux, je pense que peut-être que moi aussi je prendrais un gilet jaune. Je crois qu'il faut, il faut être dans le mouvement pour les raisons que ce mouvement met en place et non pas d'essayer de le récupérer et de faire semblant de se l'approprier. Selon les modes d'action qui seront utilisés dans mon département, j'irai à la rencontre de celles et ceux qui manifestent pour d'abord les écouter. Je serai sur le terrain le 17 novembre. Je soutiens cette colère qui exprime le ras-le-bol fiscal. La France retient son souffle. Quelle que soit son issue, ce ras-le-bol généralisé restera un tournant dans l'histoire de ce quinquennat, désormais désenchanté. C'est la fin de cette édition de L'Autre 20h, la campagne pour rester sociaux où le devenir est toujours active. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le pouvez, bien entendu. Vous connaissez et aimez ce qu'on fait ? Eh bien, montrez nos programmes à vos proches, vos amis, vos collègues. Tout geste, en tout cas, pour faire connaître le média, fait vivre le média. On vous prépare de belles choses pour la semaine prochaine. On vous en reparle très vite sur ce plateau. Presse, encore ? Bon, eh bien, puisque vous avez assisté. Accident de chasse, trop de drames à déplorer. La chasse est ouverte depuis quelques semaines et les victimes d'accidents, entre guillemets accidents, sont déjà nombreuses. 5 morts ont déjà été enregistrés, un lourd bilan qui exacerbe les tensions entre les chasseurs et tous les autres. C'était Vosges matin du 27 octobre. Hein ? Bon, on n'en a pas entendu parler depuis. Bon, ben c'est qu'il n'y a pas eu d'accident alors peut-être. Ou que le journaliste a oublié son stylo ou son crayon. Voilà. Et bon, espérons qu'il n'y aura plus d'accident de chasse. Mais ça, ne vous faisons pas d'illusions. Agriculture, pesticides, le métham sodium indésirable. La suspension au niveau national du métham sodium est critiquée par les maraîchers qui affirment que le pesticide n'est pas dangereux pour le consommateur. Ben, il y a des pesticides qui sont peut-être dangereux pour le consommateur. Oui, par exemple le métham sodium. Et puis d'autres qui sont considérés pas dangereux par les autorités, hein, oui, ben parce que le marché international, les lobbies, que ces gens encore agissent, oui, ben, il paraît qu'à Strasbourg, depuis l'installation du Parlement européen à Strasbourg, il y aurait une dizaine, 10 à 12 lobbyistes par député européen. Eh oui, et comme certains, comme ceux de la France Insoumise par exemple, ne reçoivent jamais de lobbyistes, ne se laissent pas influencer par les lobbyistes, ça veut dire qu'ils ont tout le temps de s'occuper des autres, de venir et de revenir à la charge. Alors les gilets jaunes, l'opération de blocage de ce 17 novembre va mobiliser de nombreux participants aux quatre coins du département. Dès l'aurore, voire même avant, de nombreux axes de circulation seront pris d'assaut. Alors là, il y a une page complète, même deux. Eh bien, les manifestations de la CGT, de la CGT, parce que la CFDT n'existe plus, hein, ben oui, elle est tombée dans la collaboration de classe. Alors, c'est plus un syndicat. Hein. Alors, il y a deux pages, donc deux pages complètes qui annoncent ça et qui même font de la publicité. Ça veut dire que Vosges Matin est peut-être pas un journal seulement d'information, un journal neutre, objectif. Peut-être que c'est le journal qui est au service d'une certaine classe sociale, d'un certain parti politique, d'une certaine conception de la société, d'une certaine conception de la démocratie. Ils n'aiment pas beaucoup les syndicats et les partis de gauche, mais par contre, ils aiment bien les gilets jaunes. Alors, est-ce que ça veut dire que les gilets jaunes, ce sont des jaunes, au sens où on l'entend dans le vocabulaire syndical, hein ? Il y a les rouges qui défendent les salariés, et puis les jaunes qui défendent, eux, le patron. Il y a des syndicalistes comme ça qui sont collabos. Ah oui, qu'il faut la collaboration de classe. Le désir d'Alsace casse l'ambiance dans le Grand Est. Le 16 novembre, hein, vendredi 16 novembre 2018. Affaire courante, hier dans l'hémicycle régional, en attendant la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, va tenter ce matin à Metz de calmer le trouble face à la perspective de la fusion des départements alsaciens. Bon, les départements alsaciens, si ça les démange vraiment... le Rhin n'est pas si difficile que ça à traverser. Hein. Bon, il y a eu la guerre de 70, celle de 14, celle de 39-45, à cause de l'Alsace-Moselle, mais je sais pas. Bon. Héloïse et Abélard a jugé à Drouot. Ouais, eh bien, c'est bien. Peut-être, je sais pas. La France est entrée. Ben voilà, elle est entrée. J'ai oublié la deuxième page. Un nouveau modèle économique s'impose aux consommateurs. Pour nombre de petits commerçants qui souhaitent développer leur activité en ligne, les marketplaces, plateformes commerciales d'Internet, sont devenues incontournables pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors, je disais tout à l'heure que, ben oui, les commerçants, ils peuvent de moins en moins payer d'impôts puisqu'ils font de moins en moins de chiffre d'affaires, puisqu'ils vendent de moins en moins, puisque les salariés ont de moins en moins d'argent, et il y a de plus en plus de chômeurs qui, eux aussi, manquent d'argent. Alors, il arrive un moment où les clients, ben, ils n'ont plus les moyens d'acheter. Alors, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils n'achètent plus. Ouais. Gilets jaunes, à quoi s'attendre ? Ah, une autre page encore, vendredi 16 novembre 2018. Alors là, s'il n'y a pas de monde aux manifs des gilets jaunes, c'est que Vosges Matin n'est pas lu par grand monde. Ils ont peut-être pas assez d'abonnés, qui sait. Hein, voilà. Gilets jaunes, à quoi s'attendre ? Vont-ils paralyser la France ? Les gilets jaunes appellent samedi à bloquer routes et points stratégiques à travers le pays pour protester contre la hausse des prix des carburants. Un casse-tête pour les forces de l'ordre.